X, première lettre du nom de Christ dans la langue grecque. Le nom de Jésus-Christ est un nom adorable. Prononcez-le toujours avec beaucoup d'amour et de respect. Y comme yole ou petite barque. Votre âme est une petite barque qu'il faut conduire au ciel. Jésus au milieu des docteurs. À l'époque de la fête de Pâques, Marie et Joseph menèrent Jésus à Jérusalem. L'enfant divin avait 12 ans. Lorsque ses parents voulurent revenir à Nazareth, ils s'aperçurent qu'il n'était plus avec eux. L'ayant cherché, ils le trouvèrent dans le temple, où il enseignait les docteurs juifs, émerveillés de sa sagesse. Un enfant chrétien qui écoute les leçons d'une mère pieuse est plus savant que ceux qui croient tout savoir, mais qui ne savent pas leur catéchisme.